Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour Yves. Chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et bonne année François. Bonne année, merci à vous aussi, toute l'équipe de Fadjet. Et à tous les pêcheurs qui nous écoutent. Et à tous les pêcheurs, tous voilà, nos partenaires. Voilà, les passionnés de nature. Exactement. Voilà, pour cette première chronique de l'année 2022, eh bien François va mettre à l'honneur un poisson bien connu de nos rivières, la truite Fario. Tout à fait. Et particulièrement, on va parler de la reproduction de la truite Fario. Ah oui, ah oui. Parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est assez spécial. Et c'est la bonne période. C'est la bonne période, en plus, c'est en ce moment. Alors, c'est en train de finir. Hein. Généralement, la truite Fario, elle se reproduit entre novembre et janvier, en fonction du cours d'eau dans lequel elle vit. C'est l'occasion aussi de dire que les truites Fario, ça vit dans les cours d'eau qui sont classés en première catégorie. Donc, c'est des cours d'eau où il y a trois conditions, hein, on va dire. Une eau froide, fraîche. On rappelle que la truite Fario, elle vit entre 4 et 20 degrés. En dessous de 4 degrés, elle survit, mais c'est quand même bien froid. C'est un peu frais, mais c'est rare, hein, les eaux en dessous de 4 degrés. Et au-dessus de 20 degrés, ça commence à être vraiment compliqué pour elle. Donc une eau froide, une eau de bonne qualité, une eau oxygénée. Il ne faut pas de pollution. Il faut de l'oxygène dissous dans l'eau. Et une eau claire aussi, pas trop chargée en matière en suspension, parce que ça peut boucher les nids des truites. Parce que les truites font des nids. À quoi ça ressemble un nid de truite? C'est pas comme un nid d'oiseau. C'est pas fait avec des branches, c'est fait avec des cailloux. En fait, ce qui se passe, les truites, quand la température de l'eau redescend, donc arrivée au mois de novembre-décembre, il y a cet magnifique instinct de reproduction et la beauté de la vie qui arrive. Et donc, les truites mâles et femelles commencent à se courir un petit peu après, trouvent des zones adaptées à leur reproduction, hein, et viennent déposer leurs œufs. Alors, les femelles, c'est les femelles, évidemment, qui déposent les œufs dans un trou qu'elles ont creusé avec leurs nageoires caudales, leur queue, hein, la queue du poisson. Elles grattent les petits graviers, etc. Elles font un trou. Je simplifie. Hein. Gestes, mais ça passe pas à la radio. Mais il fait les gestes, François, en plus. Oui, vous ne me voyez pas frétiller, là, comme une truite. Donc, la femelle dépose ses œufs dans le trou et le mâle vient recouvrir les œufs de sa semence. Et après, ensemble, ils rebouchent le trou. Donc, les œufs fécondés sont bien protégés à l'intérieur du nid, sous les graviers. Et en nombre d'œufs, c'est assez impressionnant, je crois. C'est plusieurs milliers. Alors, il y a plusieurs milliers d'œufs par poisson. Alors, évidemment, avec un taux de survie qui est très faible, hein, parce qu'on voit tous les impacts. Alors, c'est un peu comme pas mal d'animaux, mais particulièrement les poissons. Donc voilà, nos truites mâles et femelles ont fait leur petite affaire. Ils ont donc creusé leur nid, déposé leurs œufs, leurs semences, recouvert le nid des graviers. Et puis du coup, protègent un peu quand même, ils restent hein, pour voir s'il n'y a pas de prédateurs. Et puis nos petits œufs, ils vont produire des alevins de poissons, donc des alevins de truites. Alors on parle de degrés jour. Hein. Que ça dépend de la température de l'eau. Ça dépend de la température de l'eau. En fait, c'est une unité de mesure que les scientifiques ont calculée. L'émergence des alevins, donc entre le moment où les œufs sont fécondés par le mâle, donc le nid recouvert, et où les alevins ils émergent de leur nid, c'est-à-dire ils sortent du petit tas de gravier là dans lequel ils ont grandi, on parle de 800 degrés jour environ. Voilà, c'est 80 jours dans une eau à 10 degrés. C'est comme ça que ça se calcule. Et ça évolue en fonction de la température, si c'est plus frais, si c'est plus chaud. C'est ça. Faut pas que ce soit trop chaud en tout cas. Si c'est trop chaud, c'est un petit peu plus rapide. Si c'est trop froid, plus froid, c'est un petit peu plus lent. C'est des moyennes hein, de calcul. Ça dépend vraiment de plein de paramètres. Hein, mais c'est une moyenne qu'on a calculée. Donc ça fait, on va dire, à peu près fin février, début mars, les alevins émergent du nid et descendent vers l'aval des rivières. Ils n'ont pas cette force pour vraiment remonter, hein, parce qu'on rappelle que les rivières de première catégorie, les rivières à truites, c'est des rivières dans lesquelles il y a quand même du courant assez fort. Donc ce qui se passe, c'est que ils descendent, voilà, ils dévalent. Alors ça peut être de quelques dizaines de mètres, et puis ça peut être de plusieurs kilomètres, hein, en fonction des conditions, s'il y a des crues, en fonction de leur force, en fonction de ce qu'ils trouvent comme espace de protection, comme territoire dans lequel ils vont grandir. Hein. Et puis ils grandissent, alors il y a un taux de survie, je le disais, qui est assez faible, effectivement, parce que vous imaginez bien qu'un petit alevin dans une rivière comme ça, il est à la merci de différents prédateurs. Donc ça peut être des truites, hein, c'est aussi une espèce cannibale, donc qui mange ses propres congénères. Ça peut être des autres poissons, ça peut être des oiseaux piscivores, hein, martin pêcheur, héron, ça peut être plein d'autres animaux prédateurs. Voilà. Ces truites, elles sont de la même famille que les saumons, je crois, hein? C'est ça, à peu près? Alors, c'est de la famille des salmonidés. On peut en profiter pour dire que, alors, chez nous, en Meurthe-et-Moselle, on n'a pas de saumon, on n'a plus de saumon, on en a eu il y a longtemps, mais les barrages, etc., il n'y en a plus à cause de ça. Il y a deux espèces de truites qui sont présentes en France, hein, j'en profite pour rappeler ça, c'est la truite fario, donc c'est la truite autochtone, c'est la truite commune, hein, commune ou fario. Pour la décrire un peu, tu sais, c'est un poisson qui est moucheté, donc elle a des petits points rouges et noirs sur le corps, un corps fuselé, une robe bronze, un petit peu jaunâtre, donc foncé sur le dessus, plus clair sur le dessous, en forme un petit peu d'ogive. Voilà, donc ça c'est la truite fario, c'est la truite autochtone qui est présente en France. On a aussi la truite arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel, c'est un poisson qui vient du continent nord-américain, États-Unis, Canada, et qu'on a introduit en Europe il y a quelques siècles, on va dire, pour l'élevage. Et puis, l'élevage pour l'alimentation, hein, parce qu'elle est plus facile à se faire reproduire artificiellement, donc en pisciculture. Et du coup, ça veut dire qu'elle est moins chère aussi, à la fois pour la production alimentaire, hein, pour quand vous mangez de la truite fumée, c'est de la truite arc-en-ciel. Et puis, pour les pratiques halieutiques, donc de pêche, c'est vrai qu'on a parlé aussi, ça va être bientôt l'ouverture de la truite. Les associations de pêche empoisonnent un petit peu les rivières aussi avec plutôt de la truite arc-en-ciel parce que aussi elle est moins chère et puis elle a une capturabilité aussi un petit peu plus importante. Voilà, on va dire qu'elle est plus facile à prendre. Et à partir de quelle taille? Parce qu'il y a une taille réglementaire pour pêcher la truite. Alors, ces petites truites, elles sont tranquilles à peu près combien de temps? Ouais, c'est ça. Alors, on va dire la maturité sexuelle des mâles, c'est 2 ans. Et la maturité sexuelle des femelles, c'est environ 3 ans. Il y a différentes documentations qui sont consultables sur Internet. Hein. Il y a pas mal de fédés qui ont fait ce qu'on appelle des études scalimétriques. C'est-à-dire qu'on prélève des écailles sur les poissons. C'est toute une démarche scientifique. Et on compte un petit peu comme les... Vous savez, quand on coupe un arbre, là, on calcule son âge en fonction des stries c'est ça, qu'il y a sur le tronc. Et ben sur les écailles des poissons, c'est pareil. On peut déterminer l'âge d'un individu avec l'opération de scalimétrie. La méthode de la scalimétrie, c'est regarder une écaille au microscope et calculer son âge. Je ne vais pas vous décrire la méthode scientifique en détail, parce que je ne la connais pas moi-même déjà, mais ça permet de calculer la maturité sexuelle et la taille à laquelle ça se reproduit aussi. Nous, la taille légale de capture en Meurthe-et-Moselle, c'est 25 cm. Ça veut dire que ça garantit le fait que les poissons se sont au moins reproduits une fois à 25 cm avant d'être potentiellement attrapés par un pêcheur et tués pour l'alimentation. On rappelle que, c'est une évidence, mais je le dis quand même, la taille légale de capture 25 cm, vous n'êtes pas obligé de tuer toutes les truites qui font plus de 25 cm. Hein. C'est l'inverse, vous êtes obligé de ne pas tuer les truites qui font moins de 25. Mais on peut relâcher toutes ces truites, moi c'est ce que je fais. Oui, c'est la pratique actuelle. Voilà. Hein, si je prends une truite de 50 cm, une grosse, je la relâche parce que je n'ai pas forcément besoin de la manger. Et puis comme ça, elle peut se reproduire. Mmh. Et puis on peut aussi la rattraper. C'est le principe du no-kill, hein, de relâcher ses poissons. Quoi. Voilà. Et l'ouverture de la pêche à la truite, alors ce sera... Et du coup, l'ouverture de la pêche à la truite, c'est le deuxième samedi de mars. Donc, c'est bientôt. On a hâte, ça approche. C'est toujours un petit peu la fête, le début de saison. C'est ce qui lance la saison de pêche, hein, en vrai. C'est assez sympa. On rappelle qu'évidemment, il y a une période de fermeture pour laisser les poissons tranquillement se reproduire. Effectivement, oui, c'est ce qu'on disait aussi. C'est que voilà, cette période hivernale est pour laisser la nature se reposer et se reproduire. C'est ça. Donc, dans les eaux de première catégorie. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup François. On va parler un peu d'actualité et puis qui dit nouvelle année dit nouvelle carte de pêche. Tout à fait, c'est ça. Les cartes de la saison 2022 sont en ligne. Quand je dis en ligne, sont disponibles. Hein. Vous savez que pour prendre une carte de pêche, vous avez 2 choix. Vous pouvez la prendre chez un dépositaire de cartes, un revendeur. Hein. Donc c'est il y a des magasins d'articles de pêche, hein, évidemment, des boulangeries, des bureaux de tabac, des offices du tourisme. Enfin, la liste est consultable sur notre site www.pêche-54.fr. Et vous pouvez la prendre aussi sur Internet directement, justement, en créant un compte ou en utilisant votre compte sur cartesdepêche.fr, qui est le site national de délivrance des cartes. Pas d'augmentation cette année? Alors, pas d'augmentation cette année. Les cartes restent au même tarif que 2021. Et j'en profite pour dire que quand vous achetez une carte de pêche chez un dépositaire, on vous donne un petit livret, le petit livret de la Fédé, là, qui s'appelle Pêche 54, qui rappelle justement toute la réglementation de la pêche, qui montre les parcours, qui explique tout ça. Il sera à dispo fin janvier, là, à partir de fin janvier, il y aura l'édition 2022, donc du petit livret de la pêche en Meurthe-et-Moselle, qui est évidemment entièrement gratuit, que vous pouvez aller demander chez votre détaillant d'articles de pêche habituel. Merci beaucoup François, www.pêche-54.fr. On l'a déjà dit, on le rappelle, la carte de pêche, c'est bien sûr pour aller pêcher, mais c'est aussi pour protéger, aider les associations. Exactement, c'est important de le redire tout le temps. Merci François, au mois prochain. Merci, à bientôt. Ouais. Au revoir. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.